Et maintenant, nous voulons se dit wir wollen. Le mot pour nous, nous, c'est wir, qui s'écrit W-I-R, wir. Vous voyez qu'avec nous, wir, et vous, sie, le vous de vouvoiement, le verbe garde la même forme, celle de l'infinitif, celle qui se termine en en. Wollen signifie vouloir, sie wollen, c'est vous, que je vous vois, voulez. Wir wollen, nous voulons. Alors, nous voulons, c'est wir wollen. Wir wollen. Oui. Et vous voulez? Wir non, sie wollen. C'est ça. Vous voulez, sie wollen. Et maintenant, comment direz-vous vous pouvez? Pouvoir, c'est können. Können. Oui. Donc, vous pouvez. Sie können. Sie können. Très bien. Et donc, nous pouvons. Wir können. Wir können. Bien. Venir se dit. Kommen. Kommen. C'est l'infinitif du verbe, la forme qui se trouve dans les dictionnaires. Oui. Kommen. K-O-2-M-E-N. Donc, vous venez, se dit. Sie kommen. Sie. Kommen. Sie kommen. Sie kommen. Oui. Et nous venons, wir. Wir kommen. Wir kommen. Et venez-vous? Comment dira-t-on? Venez-vous? Kommen Sie? Oui, comme vous l'avez fait précédemment avec voulez-vous, wollen Sie, dès que vous voulez poser une question, il suffit d'inverser les deux mots. Venez-vous? Kommen Sie? Et comment dirait-on quand venez-vous? Ouvrez grand la vanne. Wann kommen Sie? Wann kommen Sie? S'il est associé à je, le verbe a une forme différente de l'infinitif. Pour la plupart des verbes, il suffit de supprimer le N présent à la fin de l'infinitif. Donc, je viens se dit Ich komme. Ich komme. Dans la langue parlée, vous entendrez très souvent Ich komme. Mais en réalité, c'est Ich komme. Ich komme. Bientôt se dit bald. Ça s'écrit B-A-L-D. Bald. Bientôt bald. Donc, je viens bientôt se dira Ich komme bald. Ich komme bald. À vous. Ich komme bald. Ich komme bald. Encore une fois, voulez-vous se dit Wollen Sie? Wollen Sie? Mais je veux, c'est je veux une villa. Ich will. Ich will. Ich will. Oui. Et pouvez-vous se dit? Kommen Sie? Non, pouvez-vous? Können Sie? Können. Können Sie? Voilà, ça s'écrit O umlaut, c'est-à-dire O avec un tréma, donc avec deux petits points au-dessus du O. Können.